الحمد لله الحمد لله رب العالمين لنوج ايتا ديو سينيور دي زونيفير واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين جاتس كيل نيا اوكين ديفينيتي ا بار ديو tuteur des vertueux واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله الصادق الامين Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adad an-nujum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal al-sahara et au nom des sables du désert, wa awladi adama wa hawa et au nom de la descendance d'Adam et Ève, amma ba'd, أيها الإخوة والأخوات في الإسلام أبريس سي مي فرير مي سور أون إسلام أحباب الحبيب محمد المصطفى تري شير أو بيان إيمي محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. أحب اليوم أن أطرح هذا السؤال. J'aimerais aujourd'hui poser cette question. أخي أختي فرير سور هل فكرت في ذريتك؟ As-tu pensé à ta propre descendance؟ وفي عدد ذريتك إلى يوم القيامة؟ Et as-tu pensé au nombre de ta descendance jusqu'au jour de la résurrection؟ الجواب, la réponse, حسب ما أظن, لا, ما أحد فكر. Selon ce que je pense, La réponse est négative. Personne n'a pensé à cela. أقول لك تعالى فلنحسب عدد ذريتك. Je te dis, frère ou sœur, viens qu'on raconte le nombre de ta descendance. وكي نقوم بهذه العملية الحسابية, et afin de faire cette opération d'arithmétique, سنقوم بعدة افتراضات. Nous allons faire plusieurs hypothèses. نأخذ إنسانا له الآن طفلان. On va imaginer un individu, femme ou homme, qui a aujourd'hui deux enfants. وبعد 30 سنة كل طفل يكون له طفلان. Et après 30 ans, chacun de ces deux enfants aura deux. Lui aussi, il aura deux enfants. يعني أربعة أحفاد. Ceci signifie quatre petits-enfants. وبعد ثلاثين أخرى, après une autre trentaine, كل, يعني بعد ستين سنة, c'est-à-dire après 60 ans d'aujourd'hui, كل حفيد يكون له طفلان. Chaque petit-enfant aura à son tour deux enfants. يعني ثمانية أولاد. Ça veut dire, il y aura à cette époque huit enfants. وهكذا, ainsi de suite. والافتراضات الأخرى, les autres hypothèses sont les suivantes. هي عدم موت الأطفال صغار. On imagine que tous les enfants de ta descendance ne vont pas mourir tôt, à bas âge. عدم العزوبة, que toute ta descendance ne seront pas des célibataires. الكل يتزوج, tout le monde va se marier. أن لا يكونوا عاقرين, que tous les membres de ta descendance ne seront pas stériles. عدم الزواج بين أفراد ذريتك. On imagine aussi que les membres, où il n'y aura aucun mariage entre les membres de ta descendance, لأن هذا ينقص العدد, parce que cela diminue le nombre. عدم الكوارث والحروب. On imagine qu'il n'y aura pas de catastrophes ou de guerres, لأن هذا ينقص العدد بكثرة, parce que cela diminue largement le nombre. الهدف أن يعيش الكل ويتزوج الكل وكل واحد يعطي طفلان. هذه هي الفرضية. Donc le but c'est que tout le monde va vivre et tout le monde va se marier et chacun va donner deux enfants. Telle est notre hypothèse. النتيجة هي اثنان الآن. Le résultat de toutes ces hypothèses est le suivant. Aujourd'hui il y a deux. أربعة بعد الجيل الأول بعد 30 سنة. Quatre, tu auras quatre après 30 ans, après la première génération. ثمانية بعد الجيل الثاني يعني 60 سنة tu auras 8 après la deuxième génération après 60 ans ردوا بالكم méfiez-vous écoutez bien ces calculs 16 بعد الجيل الثالث tu auras 16 après la troisième génération 90 عام 90 ans 32 بعد الجيل الرابع 42 tu vas atteindre après la quatrième génération après 120 ans d'aujourd'hui un siècle et 20 ans d'aujourd'hui ثم 64 ما شاء الله بعد 150 سنة et après 150 ans tu auras 64 ثم 128 بعد 180 سنة et par la suite le compte va passer à 128 enfants après 180 ثم 256 بعد 210 سنوات et après tu atteindras inshallah 256 petits enfants après 210 ans ثم 512 بعد 240 سنة après ça va passer à 512 petits enfants après 240 ans ثم لا إله إلا الله ثم 1024 بعد 270 سنة et après mes frères si l'hypothèse est vraie tu arriveras à 1024 après 270 ans ثم 2840 بعد 300 سنة 300 سنة فقط après 300 ans seulement tu atteindras le nombre 2048 لو تابعنا هكذا si on poursuit ainsi نصل إلى ما يقارب on atteindra ce qui est approximativement égal مليونين ومئة ألف بعد 600 سنة فقط après 600 ans on atteindra le nombre équivalent à 2 millions et 100 000 ainsi Adam prière et saillé sur lui a surpeuplé à lui seul la terre هكذا آدم عليه السلام لوحده عمر الأرض 600 عام وصلوا لجوت المليون après 6 siècles le nombre était 2 millions plus lui il n'a pas choisi les deux enfants c'était plus لو تابعنا نصل إلى مليارين و 150 مليون بعد 900 سنة si on poursuit et l'hypothèse est toujours vérifié, on arrivera au nombre gigantesque 2 milliards et 150 millions après 9 siècles d'aujourd'hui. لو تابعنا نصل إلى آلاف الملايير si on poursuit, on atteindra des milliers de milliards ثم ملايير الملايير et après, j'ai fait le calcul et après des milliards de milliards بعد 2000 سنة فقط après 2000 ans seulement أقول je dis هذا الرقم غير صحيح في مدة 2000 سنة ce nombre des milliards de milliards ne sera pas vrai seulement en 2000 ans لأننا قمنا بعدة افتراضات غير واقعية parce que nous avons soumis plusieurs hypothèses qui ne sont pas réelles ولكنه يصير صحيحا في مدة كبيرة إذا كان إلى يوم القيامة mais il devient vrai des milliards de milliards ça devient vrai si la durée est longue et si c'est jusqu'au jour de la résurrection وإذا كان يوم القيامة سيأتي بعد عشرات أو مئات آلاف سنين et surtout dans le cas où le jour de la résurrection aura lieu après des dizaines ou des centaines de milliers d'années والآن maintenant mes frères et mes sœurs فلنتخيل أن ذريتك ستكون فقط مليونا واحدا من البشر en imaginant que ta descendance sera égale le nombre sera égal uniquement à un million d'humains on ne va pas dire des milliards de milliards comme c'est le cas on va imaginer seulement un million وليست مليارا أو مليار مليار فقط مليون uniquement un million أنت أبوهم وأنت أمهم un million mais c'est toi leur père et c'est toi leur mère تخيل نفسك يوم القيامة Imagine-toi, mon frère ou ma sœur, le jour de la résurrection, amam Allah, devant Dieu, million min al-bashar wara'ak, un million d'humains derrière toi, la ta'rifuhum, que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu. Yaquluna hadha abuna wa hadhihi ummuna, et qui disent, celui-là est notre père, et celle-ci est notre mère. Akhi, ukhti, frère, sœur, million min al-bashar, un million d'humains. Hal sayakununa muslimin, seront-ils des musulmans? Hal sayakununa nasara, seront-ils des chrétiens? Hal sayakununa kuffaran, ou seront-ils des mécréants? Wa ma sababu kufrihim, et quelle est la cause de leur mécréance? Hal li'annaka ikhtarta lahum watanan ghayra muslim, est-ce que la cause de leur mécréance c'est que tu as choisi maintenant pour eux une patrie non musulmane? Hal sayaquluna yawm al-qiyam, vont-ils dire le jour de la résurrection, ya rab, ô Seigneur, aboun ummuna, notre père, notre mère, huwa sababu fi kufrina, les deux étaient la cause de notre mécréance. Wal an ta'ala akhi ukhti nara al-waqi' al-hali alladhi wada'na fihi awladana, yani Faransa. Maintenant, mes frères et mes sœurs, venons voir l'état réel ou l'état actuel dans lequel nous avons mis nos enfants, ça veut dire la France. نعطي فقط بعض المؤشرات. On donne uniquement quelques indices. الأول, le premier indice, le premier indicateur. 70% من المسلمين يصومون رمضان. صاموا رمضان 2009. يعني 30% تركوا الصيام. 70% des musulmans en France ont jeûné le dernier Ramadan. Ça veut dire 30% n'ont pas jeûné. Deuxièmement, أقل من 12% حسب استطلاع رأي قامت به BVA, selon un sondage effectué par BVA, moins que 12% des musulmans en France yazourou al-masjid walaw marra fi al-usbu', qui visitent la mosquée même une seule fois par semaine. بمعنى 88% لا يعرفون المسجد. Ça veut dire 88% ne connaissent jamais la mosquée. لما يكون عندنا العيد والمسجد مملوء يعني فقط قل من 12%. Lorsque notre mosquée est pleine, il y a la fête, et on dit Masha'Allah, etc., on doit savoir qu'il y a seulement 12%, moins que 12%. Mais 88% ne viennent même pas à la mosquée, même le jour de la fête. Troisièmement, حوالي 70% أو أكثر في السجون من المسلمين. Troisième indicateur, plus que 70% qui sont dans les maisons d'arrêt en France font partie des musulmans. Plus que 70% des musulmans. Rabian, ma yuqarib alfay muslim fi sana ya'taniqoun al-masihiyya. Le quatrième indicateur, à peu près 2000 personnes musulmanes se convertissent au christianisme par année. Khamisan, cinquièmement, 90% taqriban min al-lahm al-halal bi Faransa laysat halalan. 90% de la viande halal qui se vend en France n'est pas halal. يعني فقط 10% من اللحم الحلال هي التي حلال. Ça veut dire 10% de la viande halal est vraiment halal. والباقي حرام, et le reste c'est interdit. Et cherche qui est haram et qui est halal. Comprends. Sixièmement, أكبر النسب المئوية في الفشل الدراسي وفي المخدر, يعني أكبر النسب المئوية, les plus grands pourcentages dans l'échec scolaire, dans les drogues, في المخدرات, في السرقة, dans le vol, إلى آخره, etc. توجد عند الشباب المسلم في فرنسا. Ces grands pourcentages voleurs, etc., se trouvent dans la jeunesse, au sein de la jeunesse musulmane en France. Ça ne veut pas dire que tous les jeunes, mais il y a une majorité. Yani, shabab ba'id kull al-bu'd 'an al-islam. Ça veut dire des jeunes très, très, très loin de l'islam, des jeunes musulmans qui sont à des années-lumière de l'islam. Hada huwa al-waqi'. Tel est notre état, notre réalité. الشيخ يوسف القرضاوي قال في السبعينيات للمسلمين بأمريكا. الشيخ يوسف, الدكتور يوسف القرضاوي, a dit dans les années 70, dans les années 70, il était dans un congrès aux États-Unis d'Amérique, un congrès des musulmans, il leur dit: إذا كنتم لا تضمنون إسلام أبنائي أبنائي أبنائكم فابدأوا رحلة العودة من الغد. Si vous êtes incapable de garantir l'islam des enfants de vos petits-enfants, commencez le voyage retour à partir de demain. Aqulu malam. Je dis que faire. Al-jawab, la réponse. Akhi ukhti, la urid min kalami hada takhwifakum. Je ne cherche pas par mes paroles là de vous effrayer. Wala iqna'akum bil khuruj min hada al-balad. Et non pas pour vous convaincre de sortir de ce pays. Laysa hada hadafi. Cela n'est pas mon but. Fa inni a'rif bi anna al-kull yuhib Fransa. Je sais que tout le monde aime la France. Al-hadaf huwa al-hifaz 'ala al-ajyal al-muslima al-qadima bi Fransa. Mon but, le but de chaque musulman, c'est de préserver les générations à venir, les générations musulmanes à venir sur sa terre française. وهذه المحافظة لا يمكن أن تتم من غير مؤسسات إسلامية. Cette préservation ne peut pas avoir lieu sans institutions musulmanes. من غير مشاريع إسلامية. Sans projet musulman. ولكن من يقوم بهذه المؤسسات. Mais qui va fonder, qui va construire, qui va mener ces projets musulmans? Chacun de nous, il dit les autres. Ça veut dire, moi, je ne suis pas concerné. J'attends les autres. Et qui sont-ils donc les autres? On est dans un pays laïque. Al-Jawab. Min ghayr. الهدف هو الحفاظ على هذه الأجيال المسلمة. Donc le but c'est de préserver ces générations musulmanes à venir. وهذه المحافظة لا يمكن أن تتم من غير مؤسسات إسلامية. Cette préservation ne peut pas avoir lieu sans institutions musulmanes. من غير مشاريع إسلامية, sans projets musulmans. ولكن من يقوم بهذه المؤسسات, mais qui va mener ces projets? فنحن في دولة لائكية, comme je l'ai dit, on est dans un état laïque. الجواب, la réponse, الجواب يوجد في الإسلام. La réponse se trouve en islam. في الإسلام هناك نوعان من الفرائض. En islam, il y a deux sortes de prescriptions, d'obligations. فرض عين وفرض كفاية. La prescription individuelle, personnelle pour chaque personne, et la prescription كفاية, solidaire. De suffisance. Fard ayn huwa ma yajib ala kulli shakhs. La prescription individuelle ou personnelle est celle qui concerne chaque individu. Kas salat, comme la prière. Kas siyam, comme le jeûne. Kas zakat, comme la zakat, ila akhiri, etc. Ce sont des prescriptions individuelles. La yumkin li ahad an yusalli makanak. Personne ne peut faire la prière à ta place. إذا لم تصلي فأنت آثم. Dans le cas où tu ne pries pas, tu es pécheur. وفرض الكفاية, la prescription solidaire, هو أو كفاية أو suffisance أو collective, هو فرض على الجميع في نفس الوقت, est une prescription qui concerne le groupe dans sa totalité en même temps. إذا لم يقم به أحد, si personne ne le fait, فالكل آثم. Tout le monde devient pécheur. وَإِذَا قَامَ بِهِ بَعْضُ الْأَفْرَادِ سَقَطَ الْإِثْمُ عَنِ الْبَاقِ. Mais dans le cas où quelques individus accomplissent la prescription solidaire, Le péché est effacé pour la totalité. Personne n'est plus redevable. Dans le cas où quelques personnes l'accomplissent, ça veut dire comme si c'était la totalité qui l'ont accompli. Idem. بما أننا الآن لا توجد عندنا مؤسسات إسلامية بفرنسا. Donc, comme actuellement, nous n'avons pas des institutions musulmanes en France. فكلنا آثمون أمام الله. On est tous, sans exception, on est tous pécheurs devant Allah. علينا جميعا بناء المؤسسات. Nous devons tous participer à la fondation des institutions musulmanes. هذا هو الهدف الأول. Tel est le premier but objectif de chacun de nous. كل مجموعة, chaque groupe, ثلاثة ثلاثة, أربعة أربعة, un groupe de 3 par 3 ou 4 par 4, أكثر أقل, plus ou moins, تتفاهم بينها, un groupe où il y a l'entente entre eux, عليهم بدراسة مشروع للإسلام. Ils doivent étudier un certain projet pour l'islam et les musulmans, والقيام به, et de le mener à terme. Ils ne doivent pas attendre les mosquées. Ils ne doivent pas attendre le CRCM ou le CFCM ou je ne sais pas. On ne doit compter que sur nous. كل جماعة تشتغل بجانب من الجوانب. Chaque groupe doit s'occuper par un certain côté. أقول لك أخي أختي, je te dis frère ou sœur, أحببت فرنسا, tu as aimé la France, أعجبتك الحياة بفرنسا, la vie en France t'a plu, اخترت لمليون من ذريتك أن يكونوا فرنسيين, tu as choisi, à leur place, tu as choisi, sans leur demander leur avis, tu as choisi pour un million ou plus de ta descendance la nationalité française. أدي الثمن, paye le prix. أسس المشاريع للإسلام والمسلمين بفرنسا. Fonde, participe à la fondation de projets pour l'islam et les musulmans en France. اعمل ليلا ونهارا من أجل هذه الغاية. من اليوم, œuvre jour et nuit afin de réaliser cet objectif à partir d'aujourd'hui. هذا هو جهادك. Tel est ton jihad. إذا رأينا للواقع بفرنسا بهذه الرؤية. Si maintenant on regarde l'état ou la réalité des choses en France sous cet angle de regard, ما ذكرت سابقا وكان سلبيا, tout ce que j'ai cité auparavant et qui était négatif يصبح إيجابيا, redevient positif. ما كان مخيفا يصبح مطمئنا, ce qui était effrayant devient rassurant. بمعنى سنقول, ça veut dire, on va dire, لا يوجد في فرنسا شيء من المؤسسات الإسلامية الآن. Ça veut dire, nous allons dire, il n'y a rien en France qui s'appelle aujourd'hui comme institution musulmane. Il y a zéro. بمعنى فرنسا ورشة عمل كبرى. Ça veut dire, la France est un grand chantier. وقد اختارنا الله لنكون المؤسسين. Et Dieu nous a choisis pour être les fondateurs, لنكون البنات, pour être les bâtisseurs, لصرح الإسلام بفرنسا, les bâtisseurs de l'édifice d'islam en France. اختارنا الله لنكون أبطالا للصدقات الجارية. Je vais dire, Dieu nous a choisis pour être les héros des aumônes permanentes. فلنقول بسم الله, qu'on dise au nom de Dieu, ولنجعل شعارنا حي على الفلاح, et qu'on fasse de cette phrase notre emblème, allons-y pour le succès. والآن استمعوا إلى هذه الآية الكريمة. Maintenant écoutez avec moi ce verset coranique. يقول الله, Dieu dit, يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا اخرجوا للجهاد. الجهاد في كثير من المفاهيم, أن تربي أولادك هذا جهاد, أن تطعم أولادك من الحلال هذا جهاد, أن تصبر على الحرام هذا جهاد, أن تقوم بالمشاريع الإسلامية في فرنسا هذا جهاد. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض, واللي تثقال وما بغيتوش تفرقوا الأرض, أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. Ô vous qui avez cru, qu'avez-vous à rester cloué au sol lorsqu'on vous dit de vous dépêcher à sortir pour Dieu, pour faire le jihad pour Dieu? Le jihad a plusieurs significations. L'éducation de tes enfants est un jihad aujourd'hui. Nourrir tes enfants par le halal, loin du vol, etc., est un jihad. Supporter de ne pas être tenté par le haram, de faire le haram, est un jihad. Construire, mener à bien des projets islamiques ici en France pour les musulmans est un jihad. Ou vous qui avez cru, qu'avez-vous à rester cloué au sol lorsqu'on vous dit de vous dépêcher à sortir pour Dieu? Préférez-vous la vie présente à la vie future? Mais les jouissances de cette vie ne sont-ils pas bien peu de choses comparées à la vie future? Si vous ne sortez pas, il vous soumettra à un supplice douloureux, vous remplacera par un peuple autre que vous, et vous ne lui nuirez en rien, et Dieu est capable de toutes choses. Frère, sœur, vas-tu œuvrer pour l'islam? هل ستعمل للآخرة؟ vas-tu œuvrer pour l'au-delà؟ أم ستقول أنا غير معني؟ ou bien tu vas dire ah moi je suis pas concerné؟ وسترضى بالحياة الدنيا et tu seras satisfait de la vie ici-bas. تأكل tu manges, تشرب tu bois, تلبس tu t'habilles bien, السيارة la voiture, البيت la maison, العطلة les vacances, وتعيش لذلك فقط. Et tu vivras uniquement pour cela. Ça veut dire que tu es satisfait de la perte totale d'un million de ta descendance. Et ça veut dire que tu as agréé pour toi-même le supplice douloureux de Dieu. On demande à Dieu la paix et l'aide. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى أما بعد عباد الله après ceci serviteur de Dieu. أعطي أمثلة على المشاريع الإسلامية. Je vais donner quelques exemples des projets musulmans. فرنسا تمنع الحجاب في المدارس الحكومية على الفتيات المسلمات. La France interdit le voile dans les écoles de la République pour les jeunes musulmanes. نقول فرنسا لها الحق أن تمنع. On dit la France a le droit d'interdire. Un pays laïque. ولكن علينا واجب علينا. Mais nous devons, un devoir pour nous, أمام كل حق لفرنسا واجب علينا. Devant chaque droit pour la France, il y a pour nous un devoir. واجب علينا أن نبني المدرسة الحرة لصغار المسلمين. C'est notre devoir de construire l'école privée pour les petits musulmans. كم من مدرسة عندنا في إقليم الإسون؟ Combien d'écoles nous avons dans le département de l'Essonne? La chaîne, rien. Dans les vendredis, on collecte toujours pour la construction des mosquées. Quand est-ce que nous allons collecter pour les écoles? نقول فرنسا لها الحق أن تقول الطبيب الرجل هو الذي يتولى توليد المرأة المسلمة في المستشفى العمومي. Je dis, la France a le droit entier de dire l'homme médecin a le droit de suivre la femme pendant son accouchement dans un hôpital public. ولكن من واجبنا Mais notre devoir, bina al-misah al-hurra li tawlid al-muslima min taraf tabiba muslima ou imra tabiba, mais c'est de notre devoir pour préparer à nos femmes, si on veut vivre ici, la maternité dans laquelle une femme musulmane ou un médecin femme suit l'accouchement de la femme musulmane. Faransa laha al-haq أن تقول بمنع ذبح الحيوانات إلا في المذابح. La France a le droit entier de dire il est interdit d'abattre des animaux à part dans des abattoirs. وعلينا أو من واجبنا بناء المذابح لنأكل اللحم الحلال. Mais c'est de notre devoir de construire les abattoirs afin qu'on mange du halal. في إقليم الإسون لا يوجد مذبح واحد. Dans le département de l'Essonne, il n'y a même pas un seul abattoir. La islami ou la ghairi, ni musulman ni autre. Al mashari' kathira. Les projets sont très nombreux. Wa hiya mashari' murbiha fi dunya mal wa fi al-akhirah hasanat. Ce sont des projets qui rapportent beaucoup de bénéfices économiques, de l'argent dans cette vie ici-bas, mais des hasanat dans l'au-delà. Ayna al maqbara al islamiya? Où est le cimetière musulman? Ayna al idha' al islamiya? Où est la radio musulmane? D'autres communautés ont leur radio. Et les musulmans? Aïna al-Bank al-Islami? Où est la banque musulmane? Aïna al-Masbah al-Islami? Où est la piscine musulmane? Aïna al-Nadi al-Islami li awladina? Où est le club musulman pour nos enfants? Aïna al-Fan al-Islami? Où est l'art musulman? Aïna al-Sharikat al-Islamiya? Où sont-ils les entreprises, les sociétés musulmanes dans lesquelles la femme musulmane voilée peut facilement trouver un travail? Badal al-Julous? Au lieu de s'asseoir et de se contenter du peu, de se contenter de l'érimi, ou al-bitala et du chômage, ou al-faqr et de la pauvreté, assisou shenkat, fonder des entreprises, des sociétés, fi kulli al-mayalin, dans tous les domaines, et amalou, œuvrer, fi baladi al-amal, dans le pays du travail, dans le pays qui encourage le travail, istaghnou, fi baladi al-ghina, devenez riche, dans le pays de la richesse. وبأموالكم أسسوا المؤسسات التي نحتاج إليها. Et avec vos fortunes, du travail, construisez, fondez les institutions musulmanes dont nous avons besoin. مؤسسات تساعد أطفال الأجيال القادمة المسلمة على البقاء في دائرة الإسلام. Des institutions musulmanes qui vont aider les générations musulmanes à venir, à rester dans le cercle de l'islam. نسأل الله تعالى وتبارك التوفيق. On demande à Dieu سبحانه وتعالى l'aide. إن لم نفعل شيئا dans le cas où on ne fait rien, فكلنا مسؤولون أمام الله. Dans le cas où on ne fait rien, on est tous responsables devant Dieu سبحانه وتعالى. اللهم إني داعي فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت, يا رب أنت الذي أتيت بنا إلى هذه البلاد لحكمة تعرفها ونجهلها. يا رب احمنا وزوجاتنا وبناتنا وأولادنا من الكفر ومن الشرك. يا رب لا تجعل من أولادنا وأولاد أولاد أولاد أولادنا ومن ذرياتنا في هذه البلاد لا كفار ولا مشركين. اللهم اجعل من ذرياتنا في هذه البلاد مسلمين موحدين يعزون ويرفعون راية هذا الدين, فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يا رب لا تجعلنا من الذين رضوا بالحياة الدنيا ونسوا متاع الآخرة. يا رب لا تجعلنا من الذين ستقول لهم غدا يوم القيامة أرضيتم بالحياة الدنيا. يا رب ساعدنا ووفقنا لما تحبه وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. وفي الأخير صل وسلم وبارك على سيدنا وأميرنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى أزواجه الطاهرين, وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين